c'est une des rares choses ici-bas qui respire la santé. Même celui du fumeur fait un tabac à coup de publicité. On vous téléphone pour vous demander: allô, voulez-vous changer? En plein coït, rien de tel pour les bambés. Cuisine aménagée. Vous les marchands de tout, arrêtez les enchères. De grâce, oubliez-nous, emballez vos affaires. En forçant votre domicile, prenant des airs de sauveur. Ils sont chez eux, chez vous, 100 fois plus habiles que d'honnêtes cambrioleurs. On voit des spots au milieu d'éléphants man pour des produits de beauté. La couche culotte surpasse la fusée aérienne. Question sécurité. Vous, les marchands de tout, arrêtez les enchères. Grâce, oubliez-nous, remballez vos affaires. Gadget en guise de super cadeau. Et au purée qu'un citron à tête avec la troupe du Lido. C'est bien, et dans les jours à venir, ils viendront vous relancer. Inscrit au fichier de ces vampires comme bourse facile à sucer. Pour les marchands de tout, arrêtez les enchères. De grâce, oubliez.